Je suis bien placé pour tourner à droite, réponse A. Aller en face, réponse B. Tourner à gauche, réponse C. Faire demi-tour, réponse D.